18e chapitre. Liplap. On soupait encore dans la rue Gillecoeur, où Mathusalem tenait sa table d'hôte. Mais depuis quelque temps la pègre ne riait plus, et le brocanteur lui-même paraissait quelquefois inquiet. Loin de diminuer, cependant, sa clientèle augmentait. Pour la satisfaire, Mathusalem fut obligé d'installer un dortoir, comme il avait une table d'hôte. La plupart de ses habitués préféraient rester dans ce bouge que de chercher des garnis compromettants. Chaque jour, on apprenait une arrestation nouvelle. L'orangerie de Versailles était remplie de bon nombre de pensionnaires du brocanteur, et ceux qui n'y étaient point encore allés faire un voyage ne semblaient guère rassurés sur l'avenir. Le plus craintif était Marc Mauduit, dit Fleur d'Échafaud. Le grade qu'il avait occupé dans l'armée des fédérés, sa participation indéniable au massacre des otages, au pillage de la Légion d'honneur et des Tuileries, à l'incendie des finances et des maisons de la rue de Lille, lui faisait préférer la vie obscure qu'il tramait rue Gillecoeur à l'existence tapageuse et bruyante menée par lui avec une clique dorée dont il était l'oracle. Le costume de Fleur d'Échafaud avait subi la même transformation que ses habitudes. Au lieu de l'élégant paletot, de la cravate à la mode, il portait la blouse de toile bleue ouverte en avant, rejetée en arrière, laissant voir tout le col de la chemise et un foulard de nuances vives noué avec une négligence étudiée. Une perruque noire cachait la nuance fauve de ses cheveux. Avant de recommencer en grand ses opérations, il attendait que la situation politique se fût dessinée, que la justice en eût fini avec les membres de la commune et la foule de misérables qui les avaient suivis dans leur route sanglante. Jamais, du reste, la naine ne veilla avec plus de soin sur Fleur d'Échafaud qu'à partir du moment où elle constata qu'il était tout entier à sa discrétion. À la voir le couvrir de son regard ardent, l'entourer de prévenances, les pensionnaires de Mathusalem répétaient une plaisanterie qui leur procurait inévitablement la même gaieté, gaieté à laquelle s'associait Fleur d'Échafaud. « La naine, disait-il, tu épouseras le beau Marc. » Un jour, le monstre répondit d'une voix sombre. « Eh bien, oui, je l'épouserai, et à l'église encore. Toi ? « Tu crois donc en Dieu ?» La naine eut un hideux sourire. « À l'abbaye de Mont-à-Regret, » répondit-elle. Cette fois, Fleur d'Échafaud ne rit pas, et un frisson passa dans ses membres. À partir de ce jour, une vague inquiétude le prit. En somme, quel lien l'attachait à la naine ? Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il voyait en face de lui cette ébauche informe le saisissant de ses bras démesurés et l'emportant avec la rapidité du vertige. Puis il se rappelait la baraque du saltimbanque qu'il avait proprement assoupli, désossé, mis à même de gagner sa vie sur le tremplin, la corde et le trapèze. La naine était revenue bien plus tard, l'avait repris au saltimbanque et placé dans une pension en lui interdisant, sous les menaces les plus terribles, de révéler le métier qu'il avait exercé pendant 5 ans. L'orgueil lui fait comprendre au petit Marc, quand bien même la naine ne lui eût pas réitéré cette recommandation. Quand il eut fini ses études, elle parut l'abandonner à lui-même, peut-être même quitta-t-elle Paris. Il la retrouva en qualité de servante dans la cambuse de Mathusalem, mais alors il faisait déjà partie de la bande des casquettes noires et frayait avec Jean Machu. « Cette misérable aurait-elle un but caché ?» se demanda un jour Fleur d'Échafaud. « Et serait-il vrai ?» Il n'acheva pas, mais poursuivi par une crainte vague, il se promit de quitter l'hospitalière maison du brocanteur dès qu'il lui serait possible de se créer une identité nouvelle et de passer à un autre avatar. Se couler dans la peau d'un honnête homme lui paraissait plus sûr. S'il devait plus tard rentrer dans les affaires, ce serait en grand. Il tâcherait de se faufiler dans une société industrielle patronnée par de vieux noms. Il jouerait à la bourse, il deviendrait courtier marron et parviendrait peut-être à se faire une vraie fortune. Oui, mais ce rêve caressé durant de longues nuits avait pour envers une réalité terrible. S'il est une amitié tenace, c'est celle des gens malhonnêtes. Ils ne s'attachent pas, ils se cramponnent, ils ne laissent parvenir un des leurs à une situation enviée que pour en tirer parti plus tard. Ils deviennent les sangsues persistantes de celui qui, sorti de la basse pègre, finit par tenir le haut du pavé. Certes, la mort de Jean Machu débarrassait grandement Fleur d'Échafaud. En expirant, le forçat, vaincu par la générosité évangélique de l'abbé Sulpice, avait avoué son crime et signé cette confession suprême de sa main mourante. Il n'avait pas été difficile de faire casser la condamnation de Xavier Pomerol et de lui rendre l'honneur avec la liberté. De ce côté, Fleur d'Échafaud était donc sans crainte. Jean Machu mort, le secret du vol et de l'assassinat de la rue de la Chaussée-d'Antin lui était assuré. Quelques mois se passèrent. Le calme se faisait en France. La fabrique de Charenton marchait toujours. Sans doute, sur le seuil des jolies maisons d'ouvriers bâties par les soins et sur les plans d'Antonin Pomerol, on voyait plus d'une jeune mère en habit de deuil, berçant un petit enfant vêtu de noir comme elle, et rien ne semblait plus poignant que ce deuil d'être jeunes et beaux, dont l'un semblait avoir oublié le sourire et dont l'autre ne l'apprenait pas. Xavier avait définitivement abandonné l'hôtel de la Chaussée-d'Antin. Le lendemain du jour où sa réhabilitation fut officielle, il se jeta dans les bras de Sulpice, fit appeler Sabine et, tenant la main de chacun d'eux, « Je suis sauvé !» leur dit-il. « Mais je ne me sens pas réhabilité devant ma conscience. On reconnaît que je n'ai pas assassiné mon père, mais il n'en est pas moins vrai que le désordre de ma conduite a pu m'en faire croire capable. J'ai 26 ans. Il ne peut être trop tard pour renouveler ma vie. La leçon a été terrible. J'en profiterai. Mais calcul fait, et tu verras, Sulpice, comme je suis un habile comptable, me laissent à la tête d'un capital de 30 000 francs, 1 500 livres de rente. Je prétends vivre avec cela. Toi ? S'écria Sulpice. Mais c'est impossible ! Ajouta Sabine. Entendons-nous, reprit Xavier, avec cela et le produit de mon travail. Xavier se retourna vers Sulpice. « Combien donnes-tu à ton caissier ?»« 6 000 francs. »« Le pauvre Dubois se meurt. Je demande à le remplacer. »« Mon ami, cela ne se peut pas, » dit l'abbé Pomerol. « Il faudrait connaître la tenue des livres. »« Alors, affaire faite, je sais la tenue des livres. »« Qui te l'a enseigné ?»« Dubois lui-même, le bon, le brave homme. » Et je l'ai vu pleurer de joie en constatant mes progrès. « Cela tient du prodige !» dit Sabine. « Depuis un an, tu me voyais sortir tous les jours, et sans doute tu me croyais retourner à ce que, d'habitude, j'appelais mes plaisirs. »« Non, ami, non, jamais !»« Ah, je te reconnais le droit de suspecter mon repentir. Mes fautes ont été trop grandes pour que ma conversion ait besoin de l'épreuve pour s'affirmer. Je t'avais déjà tant promis que je voulais prouver quelque chose. » Un matin, j'entrai dans le bureau du père Dubois. Il y était avec sa fille Louise, une belle et douce créature. Tous deux écrivaient, la jeune fille sous la dictée du vieillard. En me reconnaissant, Dubois se leva avec respect, comme devant le propriétaire, le maître. « Monsieur, dis-je à Dubois, car vraiment je ne me sentais pas digne d'appeler mon ami ce modèle de probité et d'honneur. Voudriez-vous m'apprendre ce que tout à l'heure vous faisiez ici avec mademoiselle ?» Le vieillard rougit. « Ma vue baisse, me répondit-il, mes forces déclinent. J'ai besoin de jeunes yeux et d'une main alerte, et Louise m'aide à tenir la comptabilité. Vous enseignez la tenue des livres à mademoiselle. Voulez-vous aussi me l'apprendre à moi ?»« À vous, monsieur ?» me demanda Dubois en se levant de son fauteuil. Je l'obligeai doucement à s'asseoir, et je poursuivis. Mes fautes, mes malheurs ont eu un retentissement assez grand pour que la réparation que je dois au mien, à la société, à moi-même, égale ces mêmes fautes. Le repentir ne se dit pas, il se prouve. j'ai été un paresseux. Je deviendrai un travailleur. Un débauché, je vivrai avec la sévérité d'un moine. Un inutile, je ferai le bien. Mon cher Sulpice a semé le bon grain. Aidez-moi à le faire germer. Prenez-moi pour élève. En même temps que vous m'enseignerez la tenue des livres, les chefs des divers ateliers m'initieront à tous leurs travaux. Oh, je sais qu'avant de m'accepter, ils me toléreront à peine. Je sais que le fils prodigue ne trouvera pas aisément grâce près de ses laborieux pères de famille. Je subirai tout, tout. Une heure viendra où je recueillerai le fruit de ma persévérance et où la main d'un rude ouvrier se tendra vers moi. Et croyez-le, cette récompense me semblera noble et grande. » Dubois me regardait sans répondre et je vis une larme dans les yeux de sa fille. « Oh, m'écriai-je, vous ne refuserez pas de m'aider, vous ne le pouvez pas. » Dubois me répondit alors, d'une voix émue, « Quand souhaitez-vous prendre votre première leçon ?»« Tout de suite, » répondis-je. Je passais 3 heures près du vieillard. Quand je le quittais, les termes nouveaux dont il s'était servi se brouillaient dans mon cerveau. Je n'avais sans doute pas retenu grand-chose, mais je me sentais plus léger d'esprit. J'avais employé mon temps d'une façon sérieuse. » Le même jour, j'achetais des livres pratiques. Je me mis à étudier patiemment et cependant avec ardeur. Dubois s'émerveillait de mes progrès. Au bout d'un mois, il me conduisit dans les ateliers, où sans doute il avait raconté ce qui s'était passé entre nous, car je ne surpris aucune hostilité sur les visages. On ne m'attirait pas, mais on m'acceptait. Le pauvre Dubois baissait rapidement, et plus d'une fois sa fille me donna une leçon à sa place. Elle expliquait d'une voix claire, grave, avec précision et netteté. Je n'ai jamais vu chez une femme plus de sérénité paisible. « Vraiment ?» dit Sabine avec une raillerie qu'adoucissait le sourire. « Méchante !» fit Xavier doucement. « Continue donc !» reprit l'abbé Sulpice. « Sabine est une malicieuse qu'il ne faut pas écouter. »« Que te dirais-je ? » poursuivit Xavier. Il y a quelques jours, au lieu de trouver Dubois dans son cabinet, ce fut Louise qui m'y reçut. Elle devint un peu pâle en m'apercevant. « Monsieur, me dit-elle, auriez-vous la bonté de monter chez mon père ?»« Certes, répondis-je. » Je suivis Louise tout tremblant. Le pauvre Dubois était couché. En me voyant, il se souleva et me tendit la main. Le cœur me bondit dans la poitrine et je pressai, avec une reconnaissance presque filiale, la main de celui qui fut l'ami de mon noble père. Il comprit mon émotion et me faisant asseoir. « Allons, allons, » fit-il, « vous serez un vrai Pomereul. J'aurai moins de regrets de m'en aller. »« Vous en allez, mais je vous le défends bien. »« On m'appelle de là-haut, » fit-il. J'entendis alors un sanglot déchirant. C'était Louise qui cachait son front dans les couvertures du lit de son père. « Seule, toute seule, » murmura le vieillard. « Non, » répondis-je, « Sabine en fera son amie. »« Merci !» dit mademoiselle Pomereul en sautant au cou de son frère. « Tu m'as comprise !» Je restai plus longtemps que d'habitude ce jour-là dans la fabrique de Charenton. J'ai peu dormi cette nuit et j'ai bien pesé les obligations que j'assume sur moi. « Veux-tu me donner la survivance de Dubois, mon cher Sulpice ?»« Ah !» dit l'abbé Pomereul. « Tu m'apportes une grande consolation, Xavier. Oui, mon ami, mon frère, répare, travaille, progresse, prie. « Aime !» ajouta Sabine d'une voix plus basse. « Silence !» fit Xavier. « Je ne suis pas digne d'un tel bonheur. Demain, reprit l'abbé Pomereul, nous nous rendrons tous à Charenton. Je veux t'installer moi-même dans tes fonctions nouvelles. Et moi ?» « Signez mon pacte avec Louise. »« Tu es un ange, Sabine. »« C'est bon de travailler au bonheur des autres, » dit-elle. « Ne feras-tu donc jamais le tien ?» Sabine secoua la tête. « Mon bonheur, c'était un rêve, Xavier. Celui qui devait garder saintement l'arche et les figures sacrées qu'il abrite à sacrifier aux faux dieux. »« Tu es trop sévère, Sabine. »« Je suis juste. » Une larme silencieuse roula sur la joue de la jeune fille. « Tu souffres, Sabine, tu souffres !» s'écria Xavier. « Frère, ne me plains pas trop, » reprit-elle. « Si le monde m'échappe, le ciel me reste. Tous les martyrs ne portent pas, comme notre frère, une sanglante cicatrice au front. Le lendemain, selon sa promesse, l'abbé Pomerol conduisit Xavier et Sabine à Charenton. Leur première visite fut pour le vieux caissier. En voyant Sulpice, le regard du malade s'éclaira d'une douce joie. « J'ai besoin de vous, monsieur l'abbé, » dit-il. Le prêtre s'assit à son chevet et Sabine emmena Louise dans la chambre voisine. Tandis que sa sœur parlait à voix basse à la jeune fille qui allait devenir orpheline, Xavier les considérait toutes deux avec une égale sollicitude. Elles formaient un contraste absolu. Sabine, blonde, frêle, gardait sur son épaule la tête brune de Louise. L'une pleurait sans bruit, l'autre laissait tomber d'affectueuses paroles dans ce cœur meurtri. Il se passa une heure avant que Sulpice rappelât les jeunes filles près du malade. Dubois tira sa fille sur son cœur. « Je m'en vais, » dit-il, « mais le Seigneur m'accorde la dernière grâce que j'attendais de sa bonté. Tu ne resteras point isolée en ce monde. Qu'y ferais-tu toute seule avec ta douleur? La famille Pomerol t'adopte. Je te lègue à elle. » Louise ne répondit à son père que par des larmes. Dubois serra davantage la tête pâle de sa fille et lui dit quelques mots que nul n'entendit. Sans doute ces paroles la troublèrent, car elle changea de couleur et se mit à trembler. « C'est mon dernier vœu, » ajouta le mourant. « Père, oh père !» murmura la jeune fille. « Un ordre sacré !» ajouta le vieillard. Louise allait essayer d'y résister, peut-être, mais Dubois reprit en étendant la main défaillante sur le front de Louise. « Promets pour que je te bénisse. »« Je vous le promets, » répondit-elle en couvrant de baisers la main qui venait d'appeler sur elle la bénédiction suprême. Sabine resta pour veiller le malade et partager avec Louise les douleurs et les angoisses de cette nuit. Sulpice ramena Xavier à Paris. Le malheureux jeune homme semblait sous le coup d'un abattement profond. Il répondait à peine à son frère, et le prêtre vit des pleurs dans ses yeux. Il ne demanda point le secret de ses regrets cuisants. Ne savait-il pas que toute douleur lui revenait de droit par ce qu'il avait mission et pouvoir de consoler? Le lendemain, il accompagna son frère à Charenton, et après avoir vu Dubois et Louise, il prit place au bureau de la caisse. À partir de 7 heures, il entrait réellement en fonction. Lorsque Sulpice le trouva dans le cabinet vitré, entouré de livres à dos et à angles de cuivre, écrivant avec calme, tout absorbé dans son labeur, le prêtre ne put retenir un mouvement de joie. Xavier lui présenta son registre. « Que dis-tu de cette écriture ? » demanda-t-il. « Et ces chiffres ? Quel progrès ! Moi qui griffonnais si mal mes billets du matin !» « Certes, » dit Sulpice, « je suis content, plus que content de toi. » Pendant 8 jours, Dubois lutta contre cette dompteuse terrible qui s'appelle la mort. Enfin, il expira, tenant sa fille serrée sur sa poitrine et collant pour la dernière fois ses lèvres sur le crucifix que Sulpice lui tendait. Ce fut une grande douleur dans la fabrique quand on apprit que l'honnête caissier n'était plus. Sulpice et Xavier se chargèrent de tous les frais et le modeste employé fut conduit au cimetière avec un imposant cortège. Au moment où le fossoyeur terminait sa lugubre besogne, Louise s'approcha de la tombe. Elle tenait 2 couronnes à la main. Elle en accrocha une au bras de la croix et, comme Xavier s'aperçut qu'elle gardait la seconde, « Vous oubliez celle-ci, » dit-il. « Non, je ne l'oublie pas, » répondit la jeune fille. « Je la destine à mon bienfaiteur. » Et sans doute le cocher qui ramena Louise, Sulpice, Xavier et Sabine avait reçu des ordres, car en quittant Charenton, au lieu de prendre du côté de la chaussée d'Antin, il gagna les hauteurs de Montmartre. Xavier se taisait, mais son émotion était extrême. Il n'osait interroger son frère, et Sabine, qui tenait Louise dans ses bras, évitait de le regarder. Jamais, depuis la mort de M. Pomerol, on n'avait amené le fils prodigue près de la tombe de celui qu'il avait abreuvé de chagrin. L'y conduire n'était-ce pas de la part de Sulpice, dire à l'enfant dévoré de remords, « Le repentir efface tes fautes, tu reprends tous tes droits. Au nom de celui dont nous portons encore le deuil, je te pardonne. » Le cocher s'arrêta à la porte du cimetière. Les enfants Pomereul et l'orpheline descendirent. Louise faillit tomber et Xavier plaça, sans rien dire, son bras sous le sien. Sulpice marchait en avant. Sabine se trouva en même temps que lui agenouillée près du sarcophage de marbre. Une crainte respectueuse clouait Xavier à sa place. « Viens, » dit Sulpice. « Allez, » ajouta Louise en lui tendant la couronne. Xavier la prit, la porta à ses lèvres, puis tomba prosterné sur le sol. Il resta le front appuyé sur le marbre et, au milieu de ses sanglots, on entendait ce seul mot « Pardon, pardon !» Sulpice se pencha vers sa sœur. « Emmène Louise, » dit-il, « laisse-moi avec Xavier. » La jeune fille obéit. Un moment après, dans ce vaste cimetière déjà plein d'ombre, les deux frères se trouvaient seuls. Alors Sulpice se mit à genoux près de Xavier et lui dit d'une voix pénétrante « Tu demandes pardon à notre père et il te pardonne. Maintenant, frappe ta poitrine et implore ton pardon de Dieu. Tu veux ?» dit Xavier éperdu. « Tu t'es prosterné sur ce sol de la mort et du deuil, coupable et repentant. Tu te relèveras juste et purifié. » Ce qui se passa, les anges le savent. L'ardeur de foi de l'apôtre, l'éloquence de l'orateur, l'effusion du prêtre, la tendre amitié du frère se fondirent pour toucher et vaincre cette âme encore rebelle. Et quand le pardon du ciel fut tombé sur le coupable, Sulpice s'écria en joignant les mains avec une ferveur exaltée. « Père, réjouis-toi, ton fils était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il ressuscite. » La nuit venait, Sulpice entraîna son frère. Tous deux montèrent dans une voiture de louage et gagnèrent à grande vitesse la chaussée d'Antin. Dès la hauteur de la rue de la Victoire, un rassemblement inusité empêcha le cocher d'avancer. Les voitures restaient immobiles, les chevaux piaffaient. On entendait au loin de grands éclats de rire se propageant d'une façon contagieuse et ce cri répété d'une façon railleuse. « Il l'attrapera !»« Il ne l'attrapera pas !»« Descendons, » dit Xavier à son frère. « Nous pourrions perdre une heure ici et il nous sera facile de nous glisser dans la foule. » Le cocher payé, les deux frères tentèrent de se frayer un passage. Peine inutile, il fallait attendre. Ils avançaient d'un pas, tout à coup, un mouvement de recul se faisait sentir et ils se trouvaient moins près que jamais. « Mais de quoi s'agit-il ? » demanda Xavier à un curieux. « Je ne sais trop, monsieur, il y a un singe dans l'histoire. »« Tout comme dans Joko, le singe du Brésil !» dit un jeune Gavroche. « J'ai vu jouer ça à l'ambigu pour mes 15 sous. »« Un singe ?» répéta Xavier. « Figurez-vous, mon bourgeois, » reprit le gamin d'une voix de tête, « que, il y a 10 minutes à peine, se tenait sur un grand balcon un grand diable de singe tout mélancolique qui regardait passer les promeneurs. Faut croire qu'il appartient à des gens chics, car son habillement, qui serait un mardi gras pour nous, me rappelait les bons hommes que j'ai vus au Louvre dans des grandes toiles. Pour lors, chamarré comme un pacha d'Égypte, installé sur des coussins de soie, il flânait de l'œil. » Moi, je flânais aussi, naturellement, et comme le singe m'amusait, je lui faisais des agaceries qu'il me rendait en grimace. Échange de politesse, quoi. Tout à coup, il se dresse, s'accroche au balcon et regarde, regarde en poussant des grognements. Je regarde du même côté que lui, et je vois passer un joli jeune homme en blouse bleue, un beau typographe, quoi. Car vous saurez, mon bourgeois, que pour moi, le typographe... Après, après, dit vivement Xavier. « Je vous intéresse ? Bon, je continue. Le joli jeune homme à cheveux noirs, à foulard rose, s'avançait en se dandinant, sifflotant un air de bamboula. Faut croire que les singes sont blasés sur la bamboula. Ils l'ont trop entendu chez les nègres. « Achève, achève !» fit Xavier d'une voix fiévreuse. « Décidément, j'ai un succès. Je reviens au singe. Le jeune homme se déhanchait comme un garçon de bonne mine qui a des roues de cabriolet au fond de sa poche. » Quand tout à coup le chimpanzé saute du haut du balcon dans la rue et bondit jusqu'au passant. Celui-ci pousse un cri d'effroi, se met à courir. Le singe s'élance après lui et alors de rire, de crier, de parler, de répéter sur tous les tons, il l'attrapera, il ne l'attrapera pas. Avec tout cela, je porte mes épreuves chez un auteur et me voilà en retard de 35 minutes. Mais je lui raconterai l'affaire et ça fera de la copie. Je demanderai ma part de collaboration. Tiens, dit Xavier, voilà pour ton histoire. Et fouillant dans sa poche, il en tira une pièce de 20 francs qu'il tendit à l'enfant. Fallait dire tout de suite que vous étiez un prince déguisé. Voulez-vous que j'attrape le singe pour la même somme ? Oui, si tu le peux, fit Xavier. Ah, dit Sulpice, nous avons la même pensée, liplap. Une clameur s'éleva soudain dans la foule, clameur mêlée d'horreur et d'anxiété. L'homme est perdu, dit une voix. Personne ne tuera donc ce maudit animal, ajouta une autre. Comme il s'acharne sur sa proie, c'est atroce. Xavier et Sulpice se jetèrent aveuglément en avant et parvinrent au premier rang des curieux. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était horrible, en vérité. Celui que le gamin appelait l'instant d'auparavant un joli jeune homme, saignant, hagard, couvert de morsures, le cou saisi dans une des mains osseuses du chimpanzé, se débattait dans les spasmes de l'agonie. Personne n'osait approcher de la redoutable bête. On attendait l'intervention des sergents de ville. Enfin, l'un d'eux parut, l'épée au poing, et il allait se précipiter sur le singe quand Xavier, se jetant au-devant de lui, lui arrêta le bras. « Cet animal est à moi, » dit-il. « Ne le tuez pas. »« Mais cette bête est enragée, monsieur, » s'écria le sergent de ville. « Regardez, » fit Xavier en serrant davantage le bras de l'officier public. « Ne voyez-vous pas que le chimpanzé vient de faire tomber la perruque noire de ce jeune homme et de mettre à découvert une chevelure d'un rouge étrange ?» Puis, le regardant attentivement, Xavier ajouta comme éclairé par une lumière soudaine « Marc Mauduit !» Alors, broyant presque le bras du sergent de ville sous sa main nerveuse, le jeune homme ajouta « Sur mon âme, monsieur !» Lipla paraît en ce moment le complice de Jean Machu, l'assassin de mon père. » Le sergent de ville se jeta sur l'homme. Xavier appela la bête. Lipla comprit qu'on lui venait en aide. Il montra toutes ses dents dans un large rire, et voyant qu'on mettait la main au collet de son prisonnier, il entr'ouvrit les vêtements de brocart qui lui couvraient la poitrine et montra une large ligne blanche. C'était la cicatrice de la blessure que lui avait faite jadis Fleur d'échafaud. Ensuite, agitant triomphalement une touffe de cheveux rouges qu'il tenait dans sa main crispée, il la tendit à Xavier. Au moment où l'on achevait de garrotter Marc Mauduit, dont un rapprochement rapide des faits permit à Xavier et à Sulpice d'apprécier le rôle sanglant dans la tragédie de famille qui s'était dénouée par le meurtre de Pomereul, débusqua de la rue de Provence une masse informe, composée d'un torse à grands pieds supportant une tête difforme. Fleur d'échafaud reconnut cette créature. « La naine, » fit-il, « la naine !» Le monstre physique regarda bien en face le monstre moral. Un éclair de joie satanique emplit ses prunelles, et la naine, frappant dans ses mains, s'écria avec une explosion de joie farouche. « André Niçois, à nous deux maintenant !»